Colette Baudoche. Il n'y a pas de ville qui se fasse mieux aimer que Metz. Un Messin français à qui l'on rappelle sa cathédrale, l'esplanade, les rues étroites aux noms familiers, la Moselle au pied des remparts et les villages disséminés sur les collines s'attendrit. Et pourtant, ces gens de Metz sont de vieux civilisés, modérés, nuancés, jaloux de cacher leur puissance et d'enthousiasme. Un passant ne s'explique pas cette émotion en faveur d'une ville de guerre, où il n'a vu qu'une belle cathédrale et des vestiges du XVIIIe siècle, auprès d'une rivière agréable. Mais il faut comprendre que Metz ne vise pas à plaire au sens. Elle séduit d'une manière plus profonde. C'est une ville pour l'homme, pour la vieille âme française militaire et rurale. Les statues de Faber et de Ney, que sont venues rejoindre celles de Guillaume Ier et de Frédéric Charles, étaient entourées du prestige qu'on accorde aux pierres tutélaires. On se montrait les héros des grandes guerres sur les places où les officiers allemands exercent aujourd'hui leurs recrues. Les édifices civils gardent encore la marque des ingénieurs de notre armée. C'est partout droiture et simplicité, netteté des frontons sculptés, aspect rectiligne de l'ensemble. D'un bord à l'autre de la place royale, le palais de justice s'accorde fraternellement avec la caserne du génie. Les maisons bourgeoises elles-mêmes se rangent à l'alignement, et sous les arcades de la place Saint-Louis, on croit sentir une discipline. Cet esprit s'étend sur la douce vallée mosellane. Depuis l'esplanade, on devine sous un ciel nuageux 12 villages vignerons, baignés ou mirés dans la Moselle, et qui nous caressent, comme elles, par la douceur mouillée de leur nom, Si, qui donne le premier nom de nos vins, Rosérieul, où chaque maison possède sa vigne, Voipy, le pays des fraises, Lory, que ses mirabelles enrichissent, tous chargés d'arbres à fruits qui semblent les abriter et les aimer. Mais les collines où ils s'étagent ont leurs têtes aplanies. C'est qu'elles sont devenues les forts de Plapeville, de Saint-Quentin, de Saint-Blaise et de Somy. Les Messins d'avant-guerre, tous soldats ou parents de soldats, vivaient en rapport journalier avec la région agricole. Les rentiers y avaient leurs fermes, les marchands leurs acheteurs, et la plus modeste famille rêvait d'une maison de campagne où chaque automne on irait surveiller la vendange. Tout cela composait une atmosphère très propre à la conservation du vieux type français. Qui n'a pas connu méditer cette ville ignore peut-être la valeur d'une civilisation formée dans les mœurs de l'agriculture et de la guerre. Les Lorrains, émigrés, ne regrettent pas simplement des paysages, des habitudes, une société dispersée. Ils croient avoir laissé derrière eux quelque chose de leur santé morale. Jamais je ne passe le seuil de cette ville désaffectée sans qu'elle me ramène au sentiment de nos destinées interrompues. Metz est l'endroit où l'on mesure le mieux la dépression de notre force. Ici, l'on s'est fatigué pour une gloire, une patrie et une civilisation qui toutes trois gisent par terre. Seul un cercle de femmes les protège encore. Instinctivement, je me dirige vers l'île Chambière et fais m'asseoir auprès du monument que les dames de Metz ont dressé à la mémoire des soldats qu'elles avaient soignés. C'est une de nos pierres sacrées, un autel et un refuge, le dernier de nos menhirs. Tout autour de ce haut lieu, le flot germain monte sans cesse et menace de tout submerger. Au nombre de 24 000, sans compter la garnison, les immigrés dominent électoralement les 20 000 indigènes. Sous l'effort de cette inondation, l'édifice français va-t-il être emporté? Le voyageur qui arrive aujourd'hui à Metz distingue dès l'abord ce que vaudrait cette ville reconstruite à l'allemande et selon les besoins du vainqueur. La gare neuve où l'on débarque affiche la ferme volonté de créer un style de l'Empire, le style colossal, comme ils disent en s'attardant sur la dernière syllabe. Elle nous étonne par son style roman et par un clocher qu'a dessiné, dit-on, Guillaume II. Mais rien ne s'élance, tout est retenu, accroupi, tassé sous un couvercle d'un prodigieux verre épinard. On y salue une ambition digne d'une cathédrale. Et ce n'est qu'une tourte, un immense pâté de viande. La prétention et le manque de goût apparaissent mieux encore dans les détails. N'a-t-on pas imaginé de rappeler dans chacun des motifs ornementaux la destination de l'édifice? En artistes véridiques, nous autres loyaux germains, pour amuser nos sérieuses populations, qui viennent prendre un billet de chemin de fer, nous leur présenterons dans nos chapiteaux des têtes de soldats casquées de pointe, des figures d'employés aux moustaches stylisées, des locomotives, des douaniers examinant le sac d'un voyageur. Enfin, un vieux monsieur, en chapeau haut de forme, qui pleure de quitter son petit-fils. Cette série de platitudes, produit d'une conception philosophique, vous n'en doutez pas, pourrait tant bien que mal se soutenir à coup de raisonnement, mais nul homme de goût ne les excusera, s'il a vu leur morne moralité. Au sortir de la gare, on tombe dans un quartier tout neuf, où des centaines de maisons chaotiques nous allèchent d'abord par leur couleur café au lait, chocolat ou thé, révélant chez les architectes germains une prédilection pour les aspects comestibles. Je n'y vois nulle large, franche et belle avenue qui nous mène à la ville, mais une même folie des grandeurs, des chaînes d'énormes caravansérails et des villas bourgeoises, encombrées de sculptures économiques et tapageuses. En voici aux façades boisées et bariolées à l'alsacienne, que flanquent des tourelles trop pointues pour qu'on y pénètre. En voilà de tendance Louis XVI, mais bâties en pierre rouge, ornées de vases en fonte et couronnées de mansardes en fer blanc. Ici du gothique d'Augsbourg, là quelques échantillons de ce roman qui semble toujours exciter mystérieusement la sensibilité prussienne. Enfin mille lutins, elfes et gnomes, courbés sous d'invisibles fardeaux. Je ne ressens aucune émotion de force devant ces façades à pierre non équarrie et qui ne sont qu'un mince plaquage sur brique. Et je n'éprouve pas davantage un joyeux sentiment de fantaisie à voir un maçon tirer de son sac au hasard un assortiment infini de motifs architecturaux. Ces constructeurs possèdent une érudition étendue. Et par exemple, un Français voit bien qu'ils ont copié à Versailles d'excellents morceaux, de très bons œils de bœuf, des pilastres, des obélisques. Mais ces motifs juxtaposés au petit bonheur ne sont pas réduits aux justes proportions, ni exécutés avec les matériaux convenables. Tout ce quartier neuf qui vise à la puissance et à la richesse n'est que mensonge, désordre et pauvreté de génie. C'est proprement inconvenable, sinon comme le délire d'élèves surmenés ou la farce injurieuse de rapins qui bafouent leur maître. On croit voir, figés en sein doux, les folies d'étudiants architectes à la taverne d'Auerbach. Dans un coin de cet immense cauchemar, en contrebas, sous un pourrissoir de vieux paniers et de seaux bosselés, n'est-ce pas l'ancienne porte Saint-Thiébaut? Ah, qu'il la démolisse, qu'il lui donne le coup de grâce à cette martyre! On reprend pied, on respire, sitôt franchi la ligne des anciens remparts. Je ne dis pas que ces maisons petites, très usagées avec leurs volets commodes et parfois des balcons en fer forgé, soient belles, mais elles ne font pas rire d'elles. De simples gens ont construit ces demeures à leur image, et voulant vivre paisiblement une vie messine. Ils n'ont pas eu souci de chercher des modèles dans tous les siècles et par tous les climats. Voyez au pied de l'esplanade, comme les honnêtes bâtiments de l'ancienne poudrerie, recouverts de grands arbres et baignés par la Moselle, sont harmonieux, aimables. Tant de mesures et de repos semblent pauvres aux esthéticiens allemands. Ce pays était épuré, décanté, je voudrais dire spiritualisé. Ils le troublent, le surchargent, l'encombrent, ils y versent une lie. Le fait des maisons demeure encore français, mais peu à peu, le rez-de-chaussée, les magasins se germanisent. À tout instant, on voit racler une façade, la jeter bas, puis appliquer sur la pauvre bâtisse éventrée une armature de fer, avec de grandes places où le soir, des lampes électriques inonderont d'aveuglantes clartés des montagnes de cigares. L'ennui teuton commence à posséder Metz, et pique l'ennui, cette odeur avilissante de buffet, de bière aigrie, de laine mouillée et de pipe refroidie. Certains quartiers pourtant demeurent intacts. Mazel, le haut de Sainte-Croix, et les quais, où l'on retrouve les aspects éternels de Metz. Les paysans viennent toujours porter au vieux moulin le blé de la Seille et du pays haut. Les femmes en bonnet gaufré conduisent leurs charrettes pleines de beurre, d'œufs et de volailles. L'hôtel de la ville de Lyon regorge encore le samedi de campagnards venus au marché des petits cochons sur le parvis de la cathédrale. Et l'auberge de la côte de Delme reste le rendez-vous des amateurs, quand les maquignons présentent sur la place Mazel les gros chevaux de labour, un tortillon de paille tressé dans la queue. Suis-je dupe d'une illusion, d'une rêverie de mon cœur prévenu? Dans le réseau de ces rues étroites où les vieux noms sur les boutiques me donnent du plaisir, je crois sentir la simplicité des anciennes mœurs polies et ces vertus d'humilité, de dignité qui chez nos pères s'accordaient. J'y goûte la froideur salubre des disciplines de jadis, mêlée d'humour et si différente de la contrainte prussienne. Un attendrissement nous gagne dans ces vieilles parties de Metz, où dominent aujourd'hui les femmes et les enfants. Elles avivent notre don de spiritualité. Elles nous ramènent vers la France, et la France, là-bas, c'est le synonyme le plus fréquent de l'idéal. Ceux qui lui demeurent fidèles mettent un sentiment au-dessus de leurs intérêts positifs. Si quelques-uns la renient, c'est qu'ils sont asservis par des raisons utilitaires et qu'ils sacrifient la part de la vie morale. Un jour que je me prêtais à ces influences du vieux Metz, le long de la Moselle, et que je suivais le quai Félix Maréchal, je vis venir le nez en l'air, et cherchant, semblait-il, un logement alloué, un grand et vigoureux jeune Allemand. L'Allemand classique, coiffé d'un feutre verdâtre, et vêtu ou plutôt matelassé d'une redingote universitaire. C'est l'uniforme de l'immense armée des envahisseurs pacifiques, qui s'est mise en marche derrière les vainqueurs, et qui défile depuis 35 ans. Personne ne le regardait. Il n'éveillait ni l'instinct comique, ni l'hostilité. Il paraissait vraiment banal. Un Prussien de plus arrivait, une goutte d'eau dans ce déluge. Autour de lui, c'était la rivière glissante, ses tilleuls, l'île aux grands arbres que l'on appelle du nom charmant de jardin d'amour, la rumeur des moulins et les jeux des petits polissons, tout le vieux Metz d'avant la guerre, où rien ne fait défaut que nos uniformes. Il me rappela d'une certaine manière, avec moins de rayonnement faut-il le dire, ce mémorable portrait à la fois ridicule et beau que l'on voit au musée de Francfort, du jeune Goethe étendu dans la campagne romaine et pareil à un jeune éléphant. Oui, ce nouveau venu, c'était un puissant garçon, mais informe. Et tandis qu'il se balançait, indécis, sous les criteaux d'un appartement garni, je me pris à penser que j'avais devant moi un phénomène. Ce qui fournit la matière de tant de livres importants sur l'histoire, sur les races, sur les destinées de la France et de l'Allemagne, était là, vivant sous mes yeux. Le hasard qui m'avait permis d'assister au débarquement de ce jeune Prussien a continué de me favoriser. J'ai pu connaître l'emploi de son temps au cours de sa première année Messine. C'est tout un petit roman, plein de sens, qui éclaire d'un jour net et froid l'état des choses franco-allemandes en Lorraine. Il nous a semblé en le rapportant que nous relevions le point après un grand naufrage. Bernardin de Saint-Pierre admire que le célèbre Poussin, quand il peignit le déluge, se soit borné à faire voir une famille qui lutte contre la catastrophe. Pas des besoins de grandes machines. À ceux qui liront le drame sans gloire, dont une heureuse fortune m'a fait le confident, je crois que je rendrai sensible la position pathétique de la France, battue par la vague allemande sur les fonds de Lorraine. Mais il faut qu'on me laisse traiter chaque scène amplement, sereinement, sans hâte, d'autant qu'on ne gagnerait rien à passer au tableau suivant. Je ne prépare aucune surprise et ne fais pas appel aux amateurs d'aventure. À défaut d'un sentiment profond de la beauté idéale, je voudrais mettre ici un sérieux, sans sécheresse une clairvoyance calme, animée de confiance dans la vie, sinon dans la France. Cependant, le jeune étranger était entré dans la maison. Au premier étage, une jeune fille lui ouvrit, une demoiselle très simplement vêtue. Il demanda en allemand à voir ce qui était alloué. Elle répondit en français qu'elle allait prévenir sa grand-mère. Et le laissant dans le corridor, elle disparut avec la prestesse d'une jeune chèvre. « Ce sont des Lorraines, se dit-il avec plaisir, car il rêvait, comme tous les Allemands, d'utiliser son séjour à Metz pour perfectionner son français. » Madame Baudoche était en train de coudre une robe pour une voisine, dans une des chambres garnies. Bien qu'elle fût contrariée de montrer du désordre à l'étranger, elle ne voulut pas le laisser debout dans le couloir, et d'une très bonne manière, elle le pria d'entrer, de s'asseoir, puis, sans hâte, et l'ayant bien examiné, elle lui fit visiter les deux belles chambres sur la rue, dont elle demandait 50 marks par mois. « Vous voyez, disait-elle, que vous serez bien chez vous. Le corridor coupe en deux l'appartement, vous d'un côté et nous de l'autre, avec la cuisine et les deux chambres que ma petite fille et moi habitons. Vous aurez un lit à la française et non pas un de ces lits avec des draps comme des mouchoirs. Quel métier faites-vous, professeur ? Vous n'avez qu'à passer deux fois la Moselle sur le pont de la préfecture et sur le pont Moreau, et par la rue Saint-Georges, vous tomberez droit sur votre lycée. En effet, un jeune homme ne pourrait pas trouver dans Metz une installation meilleure pour son travail. La vue est charmante, et les meubles qui servent à la famille Baudoche depuis une soixantaine d'années, sans avoir de valeur, sont de bonne qualité matérielle et morale, solides et bien adaptés à la vie modeste d'honnêtes gens. Mais monsieur le docteur Frédéric Asmus, plutôt que de regarder le quai, les gravures au mur et les meubles confortables, a le souci de s'assurer qu'il fait bien comprendre son français. D'un ton calme et sérieux, en cédant çà et là de quelques mots allemands, il raconte qu'il arrive de Königsberg, qu'il a 25 ans, qu'il ne gagne encore que 2 200 marks, mais qu'il sera bientôt Oberlehrer, avec un traitement de 3 000 marks au moins. Il est mis en confiance par cette atmosphère de modeste intimité, dont un Allemand ne peut pas se passer. Amplement, naïvement, il raconte tout ce qui le concerne. Sa lenteur met un peu d'ennui dans cette chambre, pleine du joli soleil de septembre. Madame Baudoche frotte avec la paume de sa main la belle armoire lorraine, bien brodée et de chêne éclatant. Mais après une longue nuit de chemin de fer, le brave garçon paraît ne sentir l'ennui que comme un repos, et l'aimable logeuse doit enfin lui rappeler qu'il a sans doute laissé un bagage à la gare. Elle l'accompagne sur le palier. « À tout à l'heure, monsieur. »« Monsieur le docteur, » précise-t-il avec ingénuité, en rappelant le titre auquel il a droit. Sous le pas qui s'éloigne, l'escalier de bois gémit, et la jeune Colette réapparaît tout égayée de malice. « Est-il assez lourdeau, monsieur le docteur ? Quelle botte et quelle cravate ?»« Dame, » répondit la grand-mère, « il est à la mode de Königsberg. » De leur fenêtre, les deux femmes le regardent jusqu'à ce qu'il ait tourné dans la rue de la préfecture. « Crois-tu qu'il revienne ?» dit la vieille dame. « J'aurais peut-être dû lui demander un acompte. » Elles se rassurèrent en jugeant qu'il avait l'air honnête. « Et d'ailleurs, pour 50 marks, où trouvera-t-il 2 chambres aussi confortables ?» Madame Baudoche apporte des draps frais au lit de l'étranger, tandis que sa petite fille approvisionne d'eau la toilette et déménage le mannequin avec les corbeilles de couture dans la salle à manger. Ce n'est pas sans regret que les deux femmes habiteront, sur l'autre côté du corridor, deux pièces moins bien éclairées. La vue de la Moselle, l'animation du quai, ses arbres et la rumeur des moulins leur faisaient une société agréable. Pour la dernière fois, elles laissent toutes les portes ouvertes et le soleil qui brille dans les chambres garnies leur paraît un bonheur d'où elles sont exilées. « Ah !» soupire Madame Baudoche, « quelle humiliation pour ton pauvre père !» S'il avait imaginé qu'un jour, je céderais une partie de l'appartement. Et à qui ? À un Prussien. Aujourd'hui, dit la jeune fille, il n'y a que pour louer des chambres meublées. Personne ne pensera à nous mal juger. Mais si tu veux, nous pouvons encore le refuser. Et non, fit la grand-mère. Il m'ennuie, mais je l'ai trop désiré. Pour comprendre cette exclamation, où s'affirmait le vigoureux bon sens de Madame Baudoche, il faut connaître la fortune précaire des deux femmes. Elles vivaient d'une rente de 1 200 francs que leur faisait une famille messine, émigrée à Paris, les V, en souvenir du père et du grand-père de Colette, qui avait géré avec une grande honnêteté, puis liquidé au mieux ses immeubles de Metz et son beau domaine de Gorzé. À cette pension, les dames Baudoche joignaient le mince produit de quelques travaux de couture, et pour tirer parti de leur appartement, elles venaient de meubler et de mettre en location les 2 meilleures chambres. Mais depuis 6 mois, personne ne s'était présenté. C'est dire de quels graves soucis les allégeait la venue de M. Asmus. En attendant qu'il réapparût, Mme Baudoche se mit à refaire avec un plaisir franc ses calculs. Le Prussien donnerait 600 marques qui payerait tout le loyer et laisserait encore un bénéfice de 100 marques pour la dot de Colette. La vieille femme ne se lassait pas de reprendre un rêve, toujours le même, au bout duquel il y avait un mariage pour sa petite fille avec quelques honnêtes messins, et le jeune ménage occupant auprès d'elle les fameuses chambres du quai. Elle s'expliquait, sans phrases émues, tout en drapant sur le mannequin leur commun ouvrage, avec des mots précis et fermes qui pourraient sembler trop positifs, mais sous lesquels vivait toujours quelque chose de profond. Et c'était charmant de voir cette grand-mère et cette fille, l'une solide de toute manière et qui a le poids de l'expérience, l'autre faite à sa ressemblance, mais plus mince de corps et plus vive de ton, mûrir ce modeste bonheur, et s'orienter sans le savoir à reconstruire dans Metz une cellule française. Mieux encore que leur dialogue, gêné d'ailleurs par les épingles qu'elles ciraient entre leurs lèvres, toute la disposition de ce modeste appartement rendait sensible l'accord heureux des deux femmes. La salle à manger n'offrait à la vue qu'un vaisselier, une table, un fauteuil et quelques chaises. On avait vidé tout le logement pour garnir les chambres allouées. Mais quelques objets bien placés et bien entretenus, au mur un petit bénitier avec sa branche de buis, au milieu de la table une cruche de grès bleu, et sur le plancher très propre deux chaufferettes en cuivre, témoignaient d'une seule et paisible volonté. C'est au lendemain d'une mort, quand un logement a perdu son âme et que ces pauvres choses gisent dans la poussière, que l'on mesure le miracle accompli par ceux qui, d'un tel néant, savent créer plus qu'un décor agréable, un exemple de politesse et de décence, ici dans cet intérieur clair, bien ordonné et de bonne odeur, où va pénétrer un Prussien aux grosses bottes entretenues avec de la graisse rance, c'est moins aux dames Baudoche qu'à la tradition messine que va notre pensée. On voudrait que les forces de la vieille cité réagissent contre cet intrus. Hélas, ces forces ont été brisées. Les dames Baudoche ne peuvent plus compter que sur elles-mêmes, et pour le moment, elles songent à ne pas manquer un locataire. Chaque 10 minutes, elles viennent se pencher à la fenêtre. Vers 5 heures, elles n'en bougèrent plus. Et comme elles avaient cessé de travailler, elles cessèrent de causer. Une voisine depuis la rue leur demanda si l'Allemand qu'on avait vu monter louait. Elles firent un geste d'incertitude. Il n'y avait plus sur le quai que 2-3 pêcheurs à la ligne, et une paire de chiens flâneurs. Derrière la préfecture, le soleil se couchait, et la Moselle, déjà enfoncée dans le noir, glissait en miroitant vers les collines de Saint-Julien et de Grimont. L'allumeur de réverbère passa. Le clocher de Saint-Vincent commença de sonner. Sous le vaste ciel, plein de douceur, Metz semblait une petite ville courageuse. « Eh bien, dit la grand-mère tristement, il ne revient pas. »« Tant mieux, maman, il nous aurait empêchés de nous sentir chez nous. » Ces pauvres mots étaient l'abrégé de tout un monde de sentiments, mais si mesurés qu'il faut connaître le manque de déclamation des Lorrains pour en distinguer la tendresse. Elles se retiraient, quand soudain, toutes deux, joyeusement s'écrièrent « Le voilà !» L'homme au chapeau verdâtre s'avançait, suivi d'un commissionnaire, qui poussait deux mâles sur une charrette. Et lui-même, enchanté, loyal, gigantesque, tenait soigneusement un petit paquet. 2 minutes plus tard, quand il eut gravi l'escalier, retentissant, il déplia ce paquet devant les deux dames. C'était de la charcuterie, et il demanda en français si l'on pouvait lui chercher de la bière. Le lendemain matin, M. Frédéric Asmus déballa ses deux mâles, dont la plus grande ne contenait que des livres, et l'après-midi, vêtu de sa belle redingote, il fit ses visites officielles. Le même jour, il loua un piano pour 12,50 francs par mois. Cette acquisition obligeait à bouleverser tout le cabinet de travail, et Madame Baudoche, qui tenait à ses meubles, voulut diriger la manœuvre. Les ouvriers partis, elle dut admirer 25 photographies que l'Allemand avait dispersées sur les murs, la cheminée et les tables. « Voilà mon père, disait-il, voici ma mère, mes sœurs, mes frères et ma fiancée. » Sur ce dernier mot, la jeune Colette apparut. Monsieur Asmus possédait 5 portraits différents de sa fiancée, mais le plus à son goût, il l'avait placé près de lui, sur sa table à écrire. C'était une femme de 25 ans, une belle Valkyrie. « Elle est très intelligente, disait-il, n'est-ce pas que cela se voit dans son regard si ferme ?» Ils étaient deux camarades d'enfance, et il aurait voulu que le mariage se fît dès maintenant. Un de ses oncles s'offrait à les aider d'une petite rente provisoire. « C'est ma fiancée qui a eu des scrupules. Plusieurs fois en causant, nous nous sommes aperçus qu'elle avait une connaissance des choses et des gens, une maturité plus grande que la mienne. Alors elle s'est demandé s'il était bien raisonnable que nous nous épousions tout de suite. C'est une chose certaine qu'il est nécessaire, pour le bonheur, que le mari soit supérieur à la femme, et que celle-ci trouve en lui chaque jour des motifs nouveaux de l'estimer et de s'enorgueillir. J'ai dû me rendre à ses raisons. Oui, je dois acquérir dans la pratique de la vie plus d'expérience, afin que je n'aie pas à rougir devant elle. » La petite messine qui le regardait avec effarement l'interrompit d'un mot du cœur. « Vous l'aimez bien pourtant, monsieur le docteur. » Madame Baudoche admira combien les jeunes gens de Königsberg étaient sages. Et lui, il ne se douta pas que les deux femmes le quittaient pour mieux rire. En achevant d'installer ses livres, il se réjouissait de s'être si bien fait comprendre. lorsqu'on apprit dans le petit monde de clientes et de voisines où vivaient les dames Baudoche qu'elles avaient loué à un Allemand, on vint se renseigner, les interroger. Colette raconta quel drôle de fiancé était ce professeur. Il arriva juste au milieu de leurs éclats, et la jeune fille lui dit « Il faut que je vous présente notre voisine, Madame Kraus. Elle habite l'étage au-dessus. Vous rencontrerez quelquefois chez nous son petit garçon et sa petite fille, qu'elle nous laisse quand elle travaille dehors. » Le professeur expliqua comment, à Königsberg, les demoiselles de bonne famille passent une partie de leur journée à garder dans des jardins les enfants des pauvres qui sont à leur travail. « Votre fiancée s'en occupe ?»« Oui, mademoiselle. De cette manière, elle a pu acquérir une grande connaissance des caractères, et comme je vous ai dit, l'expérience de la vie. Eh bien, répartit Colette, je vous ferai connaître les deux bons petits Kraus, un garçon de 5 ans et une fille de 8. Ils vous donneront tant que vous voudrez l'expérience de la vie, en français ou en allemand, à votre choix. » Il est Lorraine de se gausser, derrière leurs airs admiratifs. Mais Madame Baudoche fit tant de reproches à la malicieuse Colette, car il ne convient pas qu'une jeune fille se moque d'une confidence d'amour, et surtout il est dangereux de bafouer un locataire. Toutefois, l'une et l'autre s'accordaient à trouver qu'il était un animal de la grosse espèce. Tandis qu'elle prenait des précautions pour ne pas gêner son travail, lui, entre 11 heures et minuit, il rentrait sans savoir qu'il faisait claquer les 3 portes de la rue, de l'appartement et de sa chambre. Les services qu'il désirait, il les avait énumérés comme les articles d'un règlement. À midi, il mangeait au restaurant avec ses collègues. Le soir, ces dames lui procuraient de la charcuterie, du thé ou de la bière. Chaque matin à 7 heures, Madame Baudoche devait lui apporter son café au lait dans sa chambre. Le 3e jour, il lui dit « Madame Baudoche, je vous ferai observer que vous êtes en retard de 4 minutes. »« Ce sont tous des pédants, » déclara-t-elle à sa fille. La vieille Messine avait trouvé le mot juste. Et précisément ce dimanche matin, M. Asmus avait rendez-vous avec des collègues pour une partie de pédantisme. Ces messieurs voulaient l'initier méthodiquement au pays messin. Et fidèles au principe qui veut qu'un voyageur dans une ville nouvelle monte d'abord au clocher, ils avaient projeté de gagner le haut de la ville de Scie.